Fais-moi donne béchamel. Bienvenue au Cirque Aquatique Magique. On commence immédiatement. François Gécouillard avec vous. Les amis au Pakistan. Avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. Je suis la maîtresse de ma cuisine. T'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le point. C'est toi qui mets à guiner sur le point. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon. Le plancher, je le serre à quatre pattes. Le plancher, elle serre à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, je me penche dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Ouais. Ok, en anglais, ma crise. les reins. Maudit que ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe, ça commence bien, c'est une émission, ça. Les amis au Pakistan, pourquoi pas deux blocs. Dans le cadre du Cirque Aquatique Magique, en votre compagnie, François Gécouillard, cette émission est dédiée à la bonne musique. Et à la bonne franquette aussi. Aujourd'hui, spécial femmes. Pourquoi? Bien, parce que c'est la semaine de la Marche mondiale des femmes. Dimanche, ils vont même avoir une grande action, là. Une grande marche à Rimouski. Oui, monsieur, dame. Et là, il y a eu aussi des vidéos de la Fédération des femmes qui ont fait réagir, dont une vidéo en particulier avec une femme qui dit que, bon, si j'avais su que mon fils servirait à faire de la chair à canon pour mourir à la guerre, je ne l'aurais peut-être pas eu. Alors, là, ça l'a fait réagir certaines femmes près du milieu militaire. Alors, hommage aux femmes ce soir, bienvenue aux dames. Alors, essentiellement, ça va être... on va essayer de faire une émission exclusivement dédiée aux voix de femmes. Oh! Oh! Et maintenant, on va écouter quelque chose d'assez particulier. Connaissez-vous Banksy? Banksy a fait un faux album consacré à Paris Hilton. On va aller écouter ça direct là. Vous écoutez CKIA 88.3, la radio de la bonne humeur, 88.3 sur votre cadran. Well, a lot of people, since they don't already know me as a recording artist, think that this is just something that I thought up in 1 minute and did. That's hot. $100,000 watch. That's hot. Chanton, that's hot. That's hot. That's hot. That's hot. Commentaire pertinent de Paris Hilton. C'est 40 minutes comme ça. On a du plaisir. Laundromats for people who can't afford to buy their own washing machine or dry machine clean their clothes. Like you go and like put 25 cents in and like clean clothes. You never heard of laundromat? Like you go there, like put a quarter. I've seen it in movies, like in 40 Days and 40 Nights. Remember Josh Hartnett? Oh yeah. That's what it is. Yeah. Oh, les gens qui lavent leur linge dans des machines à laver. Paris Hilton nous informe. Et ça dure comme ça pendant 40 minutes. C'est un faux album que Banksy a fait sur Paris Hilton, qu'il a distribué comme ça dans des lieux où ils vendent de la musique. En faisant semblant que ce sont des vrais albums de Paris Hilton. Blonde? Do you want to be blonde? Blondes are hot. Blondes are hot! C'est téléchargeable sur le site de WFMU. Et je voulais passer ça parce que je sais pas si vous avez vu récemment là, la fausse introduction des Simpsons de Banksy. C'est assez trash, merci. Si vous avez pas vu ça encore, ben tapez Simpsons et Banksy de sur YouTube. Banksy, qu'on connaît mieux comme étant un graffiteur, c'est un gars qui fait des espèces de graffiti anticapitaliste, antimilitariste, tout ça. Et il fait aussi de la musique, il fait aussi de la sculpture, il fait vraiment plein de choses. Et vous écoutez ça sur le Cirque Aquatique Magique. Oh, spéciale femme aujourd'hui, spéciale femme! Quand même, parce qu'elles arrivent à séparer leur moi de leur corps. Leur corps devient quelque chose d'inanimé. Ça, c'est un processus qui est à la source, souvent, de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Hein? Et donc, c'est un des effets de la prostitution. Le taux de stress post-traumatique chez les personnes prostituées est plus élevé pour qu'est-ce qu'on en connaît que pour des soldats qui reviennent de la guerre d'Irak, par exemple. Donc, c'est plus dur qu'aller à la guerre. Ms. Pope, please report to the principal's office. Ms. Pope, to the principal's office. Thank you. things, naughty things, very, very dirty things. The other day in the bathroom stall, I was watching you. And you know what? It made me cream my jeans. Plaisir à ta simple. La danse nue, c'était la preuve qu'il y a des femmes qui étaient prêtes à faire n'importe quoi, puis étaient là volontairement. Ça prouvait que c'était des salopes, qu'elles étaient, leur apparaissaient comme inférieures, moins humaines qu'eux. Ça leur donnait un sentiment de supériorité, et c'est pour ça qu'ils payaient, pour le sentiment de supériorité. À mon sens, c'est décisif. Ça explique pourquoi des hommes vont prostituer, pourquoi des hommes vont régulièrement au bar de danseuses nues, etc. Lesbians en Ecstasy. La pièce s'appelait Beachy. Et la première pièce était The Pleasure Principle. Spécial femme ce soir. Les pièces étaient entrecoupées d'extraits des publications universitaires. C'était un prof d'université qui parlait comme ça. Il a écrit plein de bouquins sur la prostitution. C'est Richard Poulin, son nom. Il dit, entre autres, que la prostitution, c'est pire que la guerre parce que les prostituées souffrent plus souvent du stress post-traumatique que les soldats. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez troublant. Lesbiennes en ecstasy, que dire sur elles? Bon, ce sont vraiment des lesbiennes, des vraies de vraies. Groupe de Montréal. Le nom vient, en fait, d'un jeu de mots avec un autre groupe qui s'appelle Chicks on Speed. Donc, vous voyez un peu le lien entre les deux. Et apparemment que leur dernier album, c'est essentiellement des remixes de pièces de d'autres groupes comme Le Tigre, Tracy and the Plastics, Kids on TV et d'autres. C'est un groupe qui existe encore, alors on leur souhaite bonne continuation. Vous êtes en compagnie de François G. Couillard, 529-9026, 529-9026 pour faire des commentaires, faire des demandes spéciales, comme vient de le faire mon ami Martin. Il voulait entendre du Donzel, j'en ai pas. J'ai fait une émission spéciale là-dessus. Au pire, tu peux réécouter l'émission sur jeunefou.blogspot.com avec une entrevue avec Donzel, tout ça, c'est de toute beauté. Spéciale marche mondiale des femmes aujourd'hui. On va écouter une pièce maintenant d'un groupe, un curieux groupe qui s'appelle Zombies Organize Before It's Too Late. Un mix de zombies, de musique 8 bits, de lo-fi, de George Bush, tout ça mélange ensemble. Oh que oui, c'est Koya 88.3. I'm a zombie, lay it on me. You don't know what. vise essentiellement à éradiquer ou à, pas éradiquer, mais à réprimer la prostitution de rue. Et ceux qu'on arrête, ce sont essentiellement les femmes prostituées. Il y a très peu de causes sur les bordels, mais on sait qu'il y a plein de bordels partout. Il y a très peu de causes sur le proxénétisme, même pas 5% des cas. C'est essentiellement les femmes prostituées dans les rues qui sont poursuivies. Jusqu'à reconduire une de mes compagnes chez son amant, et si celui-ci veut bien me recevoir et qu'il manque un peu de lubrifiant, jusqu'à lui en proposer. Well, a lot of people, since they don't already know me as a recording artist. Mais avez-vous vu comment elle s'habille? Avez-vous vu ce qu'elle sent, ses parfums? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez une femme? Oh, c'est comme des déesses pour moi. Je me laisse imprégner par leur beauté affolante. Je me laisse stimuler par leur parfum. J'aime toucher à leur peau. Les femmes m'excitent. Et comme philosophe, je renonce à mon attitude rationnelle devant elles et je me laisse inspirer. Avec la religieuse de l'île de Burano est admirable. Il avait convaincu cette sœur, qui vivait presque cloîtrée, de lui accorder ses faveurs érotiques à la nuit. Alors il allait la rejoindre en gondole, et là, dans des situations difficiles, pour ne pas dire rocambolesques, il la séduisait dans une sorte de pamoison qui confinait à l'ascétisme des grands saints. Parce que l'amour, lorsqu'il est poussé comme ça à son ultime limite, devient quelque chose de très pur. En réalité, lorsqu'on a pris contact avec l'océan infini de la psyché, on ne s'ennuie jamais, on est toujours joyeux. Même si on me jette un tombereau d'ordures sur la tête, je suis vivant, je peux regarder les couleurs, je peux jouir de la vie. C'est pour ça que beaucoup de féministes vont vous dire que la prostitution est un viol, parce que c'est des actes sexuels non désirés. Beaucoup de ces femmes-là, moi, les escortes à Montréal reçoivent environ 6,5 hommes par jour. Bon, si vous faites l'amour, vous, trois fois par jour, vous allez être irrité. Imaginez, là. My hope, is that all nations will heed our... my hope, is that all nations will heed our... my hope, is that all nations will heed our... my hope, is that all nations will heed our call. My hope. My hope is that all nations will heed our... My hope is that all nations will heed our call. My hope is that all nations will heed our call. My hope. My hope. My hope. My hope is that all nations will heed our call. My hope is that all nations will heed our call and eliminate undead parasites who threaten their countries. And our own. Little Georgie Bush got zombies in the brain. Zombies in the brain make little George insane. Little Georgie Bush got zombies in the brain. Zombies in the brain make little George insane. Undead. Undead. Green and forest, guess I'm Orange means high risk of zombie attacks. Red means severe risk of zombie attacks. On a home and security advisory system. Red means severe risk of zombie attacks. On the home and security advisory system. Have to listen and report all suspicious behavior. Keep your eyes open, beware, it could be your neighbor. Have to listen and report all suspicious behavior. Keep your eyes open, beware, it could be your neighbor. Undead. He's gonna see some other kids on the road, so my brother and the rest again. Broadcast of God, these are the witches' head. The reason that I see his head was from the bed. Sciences have killed people, so if someone's given to the recently deceased, dead recently, I'll live on the echo and can't keep everybody safe. But I trust you, God, I'm gonna try to keep faith. Oh, don't everybody come on, it's gonna die. Go on and chase some zombies, boys. Go on and have some fun. Undead. Green means low risk of zombie attacks. Blue means high risk of zombie attacks. Yellow means significant risk of zombie attacks. Orange means high risk of zombie attacks. Red means severe risk of zombie attacks. On a home and security advisory system. Red means severe risk of zombie attacks. On a home and security advisory system. Have to listen and report all suspicious behavior. Keep your eyes open, beware, it could be your neighbor. Have to listen and report all suspicious behavior. Keep your eyes open, beware, it could be your neighbor. Undead. Bubbles on the phone, dance bad guys, we're at the last days of here, it's the end of the world. Your ears will swell with the dead to birth, when hell is full, the devil knocked here. Awake from eternal sleep, they will leave the bed, only righteous nation can defeat the undead. Till we have unfollowed, God had to say, I think we'll exist, we'll be here today, cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. But I think that we can God bless the USA, USA, USA, USA. Hey, c'était doux ça, dans vos oreilles, Cirque Aquatique Magique. Oh, c'était quoi? C'était le groupe Zombies, point d'exclamation, Organize, deux points d'exclamation, Before It's Too Late. Un groupe de jeunes dames états-uniennes qui font dans la musique 8 bits, low bite, le trash 8 bits, tout ce que vous voulez, tout ça en même temps. La dernière pièce s'appelait HS. AS, t'avais des samplings de George Bush qui parlait de mort vivant. Bel effort au niveau de l'échantillonnage. Et juste avant, la pièce s'appelait Bombs and First Hop ou Première Vie. Un lien comme ça avec des jeux vidéo. C'est un jeu. Tapez ça dans Google, vous allez pouvoir télécharger gratuitement leur album. Leur description sur MySpace, c'est: nous, les Zombies Organize, cherchons à fomenter une rébellion de morts vivants contre l'humanité. Pour trop longtemps, les morts vivants ont été forcés de croire que les humains sont leurs maîtres. Mais nous allons allumer l'étincelle qui va allumer le tonneau de poudre qui va tout brûler la maison des maîtres. Oh, Zombie Organize Before It's Too Late. Au Cirque Aquatique Magique, en votre compagnie, François Gécouillard, la radio de la bonne humeur, c'est KIA 88.3. Spécial Marche des femmes cette semaine, donc aujourd'hui, spécial femmes, que des voix féminines. Et je vous annonce qu'en ce moment même, il y a le ministère de la condition féminine qui est occupé par 9 femmes, 9 militantes qui sont à l'intérieur des bureaux de la ministre. Et apparemment qu'il y a une espèce de gros déploiement de policiers et de paniers à salade Donc des femmes comme ça qui veulent se faire entendre, qui ont des revendications et qui cherchent à se faire à s'exprimer. Alors, honneur aux dames ce soir, en solidarité avec elles, on va faire jouer de la grosse musique sale. Et d'ailleurs, justement, on va entendre des voix fortes, des voix puissantes. On va entendre, entre autres, Shirley Bassey. Si ça vous dit rien comme ça, ben pensez à 007 James Bond. Oh là là là là là là là là! Closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. We've never played this little game before. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. You kiss so well my lips begin to burn. Closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. Un sociologue allemand, Zimmel, écrivait que celui qui donne l'argent a un pouvoir sur celui qui reçoit l'argent. Et c'est ce pouvoir qui s'exerce. On a une sensation de puissance. Columbine, ce qu'on retient dans les médias, c'est qu'il y a deux jeunes qui ont tiré sur un paquet de monde, puis qui étaient fascinés par le hard rock, puis par même des affaires nazies. Mais ce qu'on dit pas, non, c'est que ces jeunes-là étaient traités de fifs, de tapettes, etc., par les autres, puis ont voulu prouver qu'ils n'étaient pas des fifs et des tapettes. Et comment un homme peut prouver qu'il n'est pas un fif et un tapette? Il peut prendre les armes. Il va utiliser la violence. Il va montrer qu'il est un vrai homme. Et un vrai homme, ça domine par la violence. Thank you. que ça groovait, ça, même qu'on pourrait dire que ça funkait. C'était d'ailleurs une pièce tirée de la compilation Funky Fräulein, une compilation essentiellement dédiée aux voix féminines allemandes. C'est essentiellement une compilation de disco, et la pièce s'appelait Sunburst. Sunburst, you came just in time. La chanteuse, c'était Roberta Kelly. Donc, une belle voix allemande comme ça, avec un magnifique claviériste dans cette pièce-là. C'était vraiment déchaîné. Et avant, c'était quoi? Ben, c'était Shirley Bassey, qu'on connaît bien pour ses films, sa participation dans les films de James Bond. La dernière pièce, c'était Light My Fire, dont l'interprétation est plus connue par The Doors. Et on a entendu aussi Kiss Me. Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. C'était-tu assez beau? Moi, personnellement, ça me donne le goût de danser et peut-être même de toucher mon épouse. Shirley Bassey, qui est-elle? Elle est née dans les pays de Galles, oui, comme le prince Charles. Son père était nigérien, et donc sa mère anglaise. Et une vie personnelle tumultueuse, quelques divorces et quelque chose d'assez particulier. Une de ses filles a été retrouvée morte en 1985 dans un... son corps a été retrouvé dans une rivière. Et sa mère a toujours dit que c'était pas un suicide. Et là, curieusement, en 2010, la police a dévoilé que c'était... Il y a un tueur qui aurait été... un tueur qui s'appelle Michael Moffat, qui aurait été impliqué dans ce crime. Donc, nouveau développement après toutes ces années. Depuis 30 ans qu'il n'y avait pas de nouvelles. Et puis là, tout d'un coup, la police découvre quelque chose. Shirley Bassey. Aujourd'hui, hommage aux dames. C'est spécial femme aujourd'hui au Cirque Aquatique Magique. Et c'est ça. C'est toujours comme ça, chaque jeudi à 11h du soir. Toutes les émissions peuvent être réécoutées à jeunefou.blogspot.com. Et de nombreuses pièces... ont été entrecoupés par des extraits des publications universitaires. Le professeur Richard Poulain parle comme ça de la prostitution. Prostitution qui est un terme souvent abordé par les féministes qu'on supporte aujourd'hui. On rappelle que le ministère de la condition féminine est occupé par plusieurs militantes en ce moment même. Alors, petit quelque chose qui s'en vient, la chronique hebdomadaire. Le bureau d'exploration aléatoire. Comme à chaque semaine, je prends un vinyle au hasard dans la pile de vinyles qui se trouve avec moi dans la même pièce. Cette semaine, France-Gall. Donc c'est un vinyle, elle est représentée... elle est comme dans une espèce de pyjama. Non, en fait, c'est une salopette rayée. Et là, elle est comme accroupie dans le fond d'une pièce. Et le dos, c'est pas plus joli, elle est comme en studio, elle est mal photographiée. La pièce s'appelle « Comment lui dire ?» Parmi tous mes amis. ennemi. Je le reconnais, c'est lui. La magie du vinyle. Au milieu de la foule, du dimanche après-midi, je me sens nerveuse, pas cool. Je le reconnais, c'est lui. Au milieu de la foule, des étrangers de ma vie. Je voudrais qu'il ait compris, qu'il m'emmène loin d'ici. Ouh là là là là, je suis pas sûr que ça valait la peine de faire jouer ça. Spécial femme, c'est pas grave. On découvre ensemble. Hein. Mais j'ai découvert quelque chose d'assez fabuleux à l'intérieur de la pochette du disque. Bon vieux vinyle. Soins essentiels pour la protection de vos disques. Nettoyage. Avant de le faire jouer. Nettoyez le disque avec un tampon en poil de velours, un linge antistatique ou une brosse soyeuse. Ne jamais utiliser l'eau du robinet. Non. Pour le nettoyage, elle pourrait contenir du calcium, pouvant endommager le disque. Manipulation. Tenez votre disque par les bords seulement. Ne touchez jamais les surfaces. Immédiatement après l'audition, replacez le disque dans son enveloppe. Changez la pointe de lecture aussi souvent que recommandé par le manufacturier de la table tournante ou de la cartouche. Oh là là, et ça continue encore comme ça. Est-ce que j'ai le goût de les lire au complet? Écoutez, il est minuit et demi, minuit et trois. Ça vaut la peine d'étirer. Rangement. Ne les rangez pas près d'un radiateur, d'une sortie d'air chaud ou à tout autre endroit où ils pourraient être exposés aux rayons du soleil. Rangez-les dans une position verticale en plaçant la partie ouverte de la pochette à l'arrière, préférablement dans un endroit frais, une armoire fermée afin de prévenir l'accumulation de poussière. Enlevez le plastique recouvrant la pochette dès que vous arrivez à la maison. Vite, avec un nouveau disque. Oh là là! Cet emballage extérieur a été apposé par la manufacture afin de le protéger, le disque et sa pochette de la saleté et des avaries durant le transport et l'entreposage. Il peut arriver que cet emballage soit très serré. Et alors, lorsque vous ouvrez le disque, il peut être ondulé. Oh, attention, ne paniquez pas! Point d'exclamation. Libérez la pochette de son emballage de plastique et placez le disque dans son enveloppe protectrice intérieure, sur une surface fraîche et plane durant quelques heures. La plupart du temps, le disque reprendra son aspect plat normal. Oh, plein de bons conseils développés par qui ça? A&M Records of Canada. Merci beaucoup, France Gall, tout ça, pour vous. François Gécouillard qui tire sa révérence et vous la rattraperez jeudi prochain. Cirque aquatique magique, jeunefou.blogspot.com.